Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui Nicole Faissel. Bonjour Nicole. Bonjour Sarah. Qui est présidente de l'association APAC, donc on va en parler dans quelques instants. Autour donc de l'émission qui se construit comme d'habitude, 5 questions, quelques coupures musicales choisies par notre invité qui nous présentera également en dernière partie d'émission son caprice de la semaine. Très bien. Nicole, est-ce que vous êtes prête ? Ah, je suis prête, je vous attends. Alors, on y va. Première question, justement. Comment est née l'association APAC ? Alors, l'association qui donc s'appelle l'association Plume à connaître est une association pour les auto-édités, qui sont un peu toujours les parents pauvres en matière de littérature et de, par rapport à des éditeurs. Et il y a 22 ans, alors je n'étais absolument pas dans cette association, il y a une personne qui a commencé à mettre en place un comité de lecture, parce que c'était une professeure de français, et ça a été repris par une présidente qui était très dynamique pendant 22 ans, qui a essayé de tenir le flambeau, mais qui a connu quand même pas mal de déboires dans notre ville de Metz, parce qu'elle n'a jamais vraiment réussi à avoir un stand. D'accord. À l'été, ce qu'on appelait à l'époque l'été du livre, maintenant on appelle ça littérature et journalisme. Oui. Et donc, elle a un petit peu baissé les bras, bien qu'elle était, je veux dire, très très présente, elle aimait bien aussi tous les mois avoir un invité, il y avait donc ce comité de lecture, il y avait ce printemps qu'on vient de fêter de la poésie, donc il y avait beaucoup d'activités. Et puis il y a un an et demi, la retraite arrivant, elle a cherché quelqu'un pour lui succéder. D'accord. Et comme moi j'avais l'habitude de lui faire ses interviews pratiquement mensuelles de romanciers aussi bien locaux que nationaux. D'accord. Aussi bien dans un cadre très limité, c'est-à-dire un petit restaurant à Metz qui s'appelle Chez la Marie, mais également à la librairie, une des librairies principales de Metz, la librairie Isler. Oui. Donc j'étais bien, j'allais dire, entre guillemets, dans le bain. De la littérature, des auteurs, des romanciers, et j'ai beaucoup aimé ça. Et quand je me suis proposée pour reprendre la présidence, ça n'a pas beaucoup donné lieu à une quelconque polémique, parce que, j'allais dire, ça tombait un peu sous le sens. Vous étiez dans la place, que ce soit par vos activités avant, et ça coulait de source. C'était un petit peu... Bon, puis en plus, les associations, j'ai toujours une présidente, il faut qu'elle ait une équipe autour d'elle, et j'ai une équipe formidable. Ah, super. Parce qu'il faut quand même une secrétaire, avec des réseaux sociaux, il faut faire de la publicité, on a un blog, il faut alimenter le blog. Donc ça, tout ça, moi, je ne sais pas faire. Moi, je sais un peu donner des ordres, mais de façon tout à fait... C'est le rôle de la présidente. Un petit peu, voilà. Mais alors après, c'est la responsabilité, parce que comme ça ne fonctionne pas bien, c'est quand même, on se retourne vers moi. Mais jusqu'à présent, je suis enchantée. Ça fait 18 mois que je suis à la tête de cette association. Et je suis aussi ravie d'avoir été un peu la pionnière et la première présidente dans ce... On va peut-être en parler, dans ce concours qu'on a appelé justement le concours Thérèse Gabriel. Oui, on va en parler juste après, C'est ça. Donc c'est une belle aventure pour moi, qui commence, parce que 18 mois, 18 c'est, mois tout, c'est tout récent. Beaucoup d'événements, ouais. Le livre à Metz, le livre à Nancy, le prix Thérèse Gabriel, le printemps des poètes, le comité de lecture, plus, on le reverra, des interviews. C'est très dynamique du coup. Très. Donc ça c'est super. Alors justement, vous avez reçu il y a peu de temps Bénédicte Flie-Sainte-Marie pour son livre « Je suis née au son du violon ». Comment vous choisissez un petit peu les invités ? Comment se passe cette rencontre ? Je sais que Bénédicte, on l'a interviewée ici par téléphone il y a quelques semaines. Elle était enchantée, hyper enthousiaste. Voilà, j'ai la chance d'avoir un petit peu l'autre interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une belle histoire entre nous. Le hasard a fait que je l'avais interviewée il y a 2 ans de ça au Salon du Livre d'Agondange, Salon du Livre féminin. Oui. Et elle avait écrit sur une thématique aussi très intéressante, la PMA, programmation procréation médicalement assistée. Et puis bon, j'ai tout compris, je lui ai posé les bonnes questions, parce que accessoirement, c'est vrai que le droit intervient aussi en tant que juriste. C'était pas que de la littérature. Et puis, je crois qu'elle en a gardé un bon souvenir. Et puis, en début d'année, elle a dit « J'aimerais bien que ce soit Nicole qui me fasse cette interview alors d'une femme fabuleuse, ce Camille destin. » Camille Urso. Voilà. Incroyable. Incroyable. Et surtout, tellement méconnue. Oui. Oublié de l'histoire. Ah, carrément. Alors tellement dans l'air du temps. Enfin, aujourd'hui, on révèle tellement de femmes qui ont eu des talents, qu'ils soient musicaux ou d'autres arts, ou même de la médecine, dans la littérature. C'est... Et Bénédicte, j'ai l'impression, avec son livre, réveille un peu les consciences. Ben, j'ai essayé de lui dire, est-ce que ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'une ville, peut-être la mienne, Metz, mais peut-être oui. Nancy également, prenne une rue à son oui. nom. Parce qu'autour de moi, j'ai invité beaucoup d'amis qui découvraient d'ailleurs comme oui. moi, alors qu'elle a un passé fabuleux. Incroyable. Elle suscitait l'enthousiasme dans des salles en Amérique. Enfin, et puis hyperactive dans son métier, ouais. dans son milieu. Enfin, puis elle a eu les enfants en même temps. En même temps, elle a eu des peines, elle a eu des joies. Oui. Et puis là, elle termine dans l'anonymat le plus, vraiment, plus important. Inoublié de l'histoire, oui, c'est horrible. Elle est allée sur sa tombe, elle a dû le dire, aux États-Unis. C'est quand même une Française. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Il faudrait créer un espèce de petit comité de soutien pour faire rejaillir le passé de cette personne. C'est vrai. Alors, je pense que je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle aille trouver des musiciens, forcément. Des violonistes, des femmes, parce que maintenant, c'est quand même beaucoup de femmes chefs d'orchestre. Oui. Alors, bon, ça suit son chemin, mais c'est un peu dérivé du côté de son écriture, parce qu'en fait, je crois que le but, c'était aussi, par sa belle écriture, elle a su susciter aussi beaucoup d'enthousiasme. Et puis, son livre était très documenté, mais en même temps, on n'avait pas l'impression de lire un document. C'était aussi un roman, un destin de femme. Très bien construit, moi j'avais beaucoup aimé. Alors, on va faire une première pause musicale, Nicole, avec une partie du Boléro de Ravel. Parce qu'il est long. Pouvez-vous nous expliquer votre choix ? Écoutez, c'est un peu l'enfance. Ça a été un peu un coup de foudre. Je crois qu'on partait en vacances avec mes parents dans un pays que j'adore. C'est l'Italie, donc c'est pas du tout l'Espagne. Et puis, par hasard, ils ont un peu bidouillé leur autoradio qui n'était pas à l'époque... hyper performé comme maintenant. Et puis on est tombé sur cette mélodie qui était véritablement... Ce que j'aime bien, c'est comme un mouvement, une vague qui est de plus en plus forte, qui part très très bas. Puis alors à la fin, c'est cette explosion. Alors ça, j'ai adoré. Et ça m'est resté. Alors c'est vrai que mon entourage s'en plaint beaucoup parce qu'il trouve que c'est un peu redondant. C'est vrai que le thème... Mais je trouve qu'il y a une histoire dans cette musicalité qui se termine en apothéose. Et le film de Claude Lelouch m'a aussi, ce danseur, beaucoup impressionné. Et c'est vrai que ça reste... Je me dis toujours, si je devais partir sur une île déserte, le morceau de musique que j'emporterais, c'est celui-là. Alors on l'écoute et on revient juste après. retour dans Caprice de lecture, toujours en présence de Nicole Faessel, présidente de l'APAC. Nicole, est-ce que ça va toujours bien? Ah, ça va très très bien. Alors, super. Alors, nous allons donc aborder la troisième question de cette interview. L'APAC organise des concours d'écriture, de récits, de poésie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits secrets de préparation de ces concours? C'est-à-dire, à quel moment on lance le concours, comment on désigne un texte. Alors, en dehors peut-être du prix Thérèse Gabriel qu'on va aborder dans ma quatrième question, une question assez spécifique. Oui. Voilà, comment vous préparez ça? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le comité de lecture est composé de 3 ou 4 personnes qui ne font que ça. Membres de l'APAC. Membres de l'APAC. D'accord. Alors, on a un petit journal, on a donc sur le blog, ça se fait un peu beaucoup de bouche à oreille. Il y a encore ce matin quelqu'un qui voulait récompenser une dame qui faisait partie il y a quelques années de ce comité de lecture. D'accord. Grâce à elle, où elle lui a corrigé à la fois le style, l'orthographe, mais enfin bon, il y a aussi des choses qu'on ne peut peut-être plus corriger, qui sont d'un niveau qu'on ne peut absolument pas publier. Ce monsieur voulait savoir le nom de cette dame pour justement la récompenser et dire que son livre avait été publié grâce à son travail. Voilà, ça d'accord. C'est déjà une première chose. Le printemps des poètes, alors les poésies, c'est plutôt libre cours, c'est que chaque homme ou femme qui a écrit des poèmes, on lui laisse un libre, je veux dire, à un moment donné de lecture de ces poèmes, d'accord, qui sont tous les plus impressionnants les uns que les autres. Et cette année, il y avait un thème, c'était les frontières. Ok. Et on a eu une personne originaire du Cameroun qui est venue en parler. On a eu une personne d'origine d'Alger et vraiment des textes à fondre en larmes. Ah, tellement. Super. Et ça, c'est venu d'une façon un peu spontanée. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, cette dame du Cameroun, j'ai eu l'occasion de la croiser dans une autre association qui est le Club Sort Optimiste de Metz, qui a aussi cette vocation à étudier le sort de la femme, oui, des femmes. C'est une ONG, un club service, et elle se présente spontanément, puis elle dit « moi j'adore, je fais des poèmes ». Je lui ai dit « vous voulez pas venir ?» C'était le lundi pour le samedi. Elle est venue, elle a emballé la salle. Super. Tout le monde a applaudi, tout le monde avait un peu des larmes. Elle a parlé de son quartier. Et c'était vraiment magnifique. Quand on fait les choses avec passion et émotion, il se passe toujours quelque chose. Ah, oui, le courant est vraiment passé. Alors, on était quand même une petite trentaine, quarantaine de personnes, de tous âges, hommes, femmes confondus. Et là, il se passe quelque chose. Donc, c'est une fois par an. Hein. Ouais. C'est au moment de là, c'était samedi dernier. D'accord. OK. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits secrets, mais quand vous choisissez un texte, par exemple, dans le comité de lecture, parce que je me dis, mais tout le monde n'est peut-être pas forcément d'accord. Est-ce que c'est un vote à main levée? La majorité l'emporte? Qu'on rediscute après? Excellente question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si. Alors, j'ai donc le bon exemple, et peut-être j'empiète sur la question suivante, c'est lors du prix Thérèse Gabriel, où il y a un premier jury à peu près sur une vingtaine, trentaine de ce qu'on appelle de tapuscrits, okay, qui viennent de toute la France. J'aurais dû vous préciser que la PAC, ce n'est pas la Moselle ni Metz, c'est national. D'accord. Donc, on a des textes qui viennent de partout. Le concours est lancé. Okay. Et donc, premier jury qui est formé que d'auto-édités. Okay. Deuxième jury beaucoup plus, j'allais dire, pointu. Une fois qu'il reste 6 tapuscrits, on a 3 journalistes, on a 3 libraires ou représentants de médiathèques, et 3 auto-édités, donc 9 personnes. Okay. Alors c'est vrai que l'année dernière, il y a eu un peu une unanimité. Oui, j'avais lu dans quelques articles de journaux en préparant l'interview. Tout le monde était bien d'accord d'avoir un texte un peu léger. On sortait du confinement, la guerre. Qui sort peut-être un petit peu des codes usuels du roman et tout ça. Et puis la fantaisie l'a emporté, ce qui me plaît bien. C'est chouette, ça fait du bien. Ah oui. Bon, c'est loufoque, c'est léger. Bon, alors justement, ce sera la quatrième question. Donc c'est le prix Thérèse Gabriel qui a été attribué l'année dernière à monsieur Yvan Gozy, si je ne me trompe pas, tout à fait, qui est un personnage plutôt atypique parce que je crois avoir vu qu'il était clown ou au moins du monde du spectacle. Alors c'est ça qui a été assez extraordinaire parce qu'on ne le savait pas, et quand on lui a téléphoné tout de suite à la sortie du jury, 10 fois il m'a fait répéter, je lui ai dit c'est pas la valise RTL, vous avez gagné le prix Thérèse Gabriel. Et ce petit monsieur est arrivé pour venir chercher son chèque, parce que c'est quand même un chèque de 3000 euros. C'est pas rien. Mais pas pour aller dans les Caraïbes, c'est pour le faire publier. Ah, ça c'est génial. Et ça, alors il est venu de la banlieue parisienne, et puis évidemment, un peu avec mon côté humoristique, je lui dis faites-nous un petit spectacle, puisque c'est votre métier. Ça sera remis dans les locaux de notre bel hôtel de ville. Et puis il s'est prêté au jeu. Alors en 5 minutes, il est venu avec quelques chapeaux rigolos. Et puis il a pris ça très très au sérieux, c'est un monsieur qui est déjà à la retraite, en effet, qui était clown. Et il a vendu, alors merveilleusement bien, il a tout publié en l'espace de 2 mois. Et là où ça a forcément marché, c'est là, évidemment, dans oui. l'endroit où il habite, dans la banlieue parisienne. Oui. Mais il est venu à Metz, alors il a été reçu en, quand même avec tous les... C'était une première... Avec c'est génial. Les... Le maire était là, l'adjoint à la culture, parce que c'est là, je pense, que ça donne un souffle aux auto-édités. Oui. Et c'est... moi, je me bats un peu pour ça. Mais dans les salons, ils sont toujours un peu mis à l'écart, les sauf, auto-édités. Sauf à Nancy. Oui, ils sont là, dans leur petit oui, coin. Bon, ils sont quand même à l'entrée à gauche. Ils ont une belle place. Ils ont de la place. Ils sont là depuis longtemps. Oui. Ils sont nombreux. Et ils sont très, très bien accueillis. Oui. Et je trouve que c'est une pépite aussi de découverte, de talent caché. Oui. Et grâce à ça, qui peut-être arrive un jour, justement, à la publication. À émerger aussi. Tout à fait. Voilà. Je voulais juste rappeler le titre du livre de Yvan Gozzi qui s'appelle « Seul en selle ». En selle. Donc, voilà. C'est l'histoire d'un garçon à bicyclette qui fait un voyage à la fois extraordinaire. On sort vraiment, c'est le cas de le dire, des sentiers battus. Oui. C'est l'imaginaire qui l'emporte. C'est génial. Ah, oui, moi, oui, je trouve oui. ça génial. On va faire une dernière coupure musicale, Nicole, avec un morceau avec que vous plaisir. Avez également ah, choisi. Oui. De Monsieur Jean Ferrat, si je me trompe tout pas. Tout ça, ma France. Voilà. Alors pourquoi ma France de Jean Ferrat? Moi, je suis une amoureuse de mon pays et je trouve que le descriptif de cette chanson vous fait voyager de la Bretagne à la Méditerranée avec les gens célèbres de notre pays, les Picasso, les mines, les politiques. Je trouve que c'est vraiment tellement bien décrit l'âme de notre beau oui. pays, la France. Alors, on se retrouve juste après ma France. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Caprice de lecture sur Fadjet. Nous quittons Ma France de Jean Ferrat pour revenir dans les studios de Fadjet avec Nicole Faessel. Alors Nicole, pouvez-vous un petit peu nous parler des projets de l'association donc pour 2023? Alors le projet le plus proche, c'est véritablement le mois de juin où on va remettre maintenant le deuxième prix Thérèse Gabriel. Alors il y a déjà, on en a plus que 6 tapuscrits. D'accord. Alors ce qui est assez drôle, c'est que cette année on a eu un auteur qui habite Londres, un auteur qui habite en Afrique. Alors on se dit si jamais c'est lui qui remporte le prix. Mais je voudrais préciser que le testament qu'avait laissé Thérèse Gabriel, non seulement accordait cette somme de 3000 euros, mais prenait en charge également tous les frais. De transport, voyage, hébergement nécessaire. Voilà, nécessaire. Donc on a deux jeunes femmes aussi très dynamiques, figurez-vous, qui viennent de Toulouse. Deux femmes, alors une animatrice de radio, okay, et une journaliste. Et on a bien sympathisé, elles ont dit on revient, c'est trop bien Metz, ça leur a beaucoup plu. Mais vous imaginez du coup, mais c'est prévu dans le cadre de ces testaments. Et je préciserai que ce n'est pas nous qui s'occupons des finances, c'est la Fondation de France. Ok, oui, voilà. D'accord. Et j'avais une question, j'ai oublié. Bon, ça reviendra, c'est pas grave. Projet. C'est, non. Est-ce que vous ferez une apparition au livre à Metz, au salon du livre de Metz? Voilà, nous sommes présents. On avait invité, alors justement, le prix de l'année dernière, mais son emploi du temps ne nous permet pas. Mais d'accord. Alors, cette année, nous serons très visibles. Nous avons un joli kakimono que nous avons fait faire. On a un petit peu poussé le maire à se dire maintenant, il faut qu'on soit présent. Il a tout à fait accepté parce que c'est pas évident. Hein. C'est une convention tripartite entre la ville de Metz, l'organisation du livre, donc littérature et journalisme, et la PAC. Donc, on a signé pour 3 ans. Donc, on super est sûr d'être pendant là. 3 pendant ans, 3 ans, vous serez là. C'est notre deuxième année. Ok. D'autres projets ou... Nancy, bien sûr. Nancy, on a déjà septembre rencontré en septembre. Nous serons également présents. Puis alors, on essaye aussi un petit peu, on a des projets de délocaliser. Et ça marche du tonnerre dans des petits villages aux environs de Metz. Alors, il y a Sichazel, il y a Boulay. Oui. Vous voyez, les salons... Sur des publics peut-être, ou des salons peut-être un peu empêchés ou de moins grande envergure. Tout à fait, mais dont les auteurs sont toujours ravis de, non seulement de partager un petit peu les opinions des uns et des autres, il y a une proximité qui est quand même importante, et en plus, ils vendent beaucoup, ce qui n'est peut-être pas le cas des grands salons. Oui. Comme vous disiez, vu la diversité et le choix. Oui. Ils sont un peu parents pauvres, alors que dans un petit marché, alors nous serons aussi présents, et je vous invite, à notre grande fête de la Mirabelle. Nous avons un stand tout un week-end, le dernier week-end du mois d'août, sur la place de la République, où les auto-édités seront présents sur 2 jours, avec à la fois les marchands de confiture, les marchands de dentelle, enfin, vous voyez, beaucoup d'artisanat. Oui. Okay. Et ça attire beaucoup de monde, et ça se termine par le feu d'artifice traditionnel et le chariot des Miss, puisque on les Miss Mirabelle. Voilà. Ok. Nicole, pouvez-vous nous parler d'un caprice de la semaine que vous avez choisi? Alors, le hasard a fait que je suis retombée sur les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, et je l'avais lu il y a très très longtemps, je ne me souvenais plus, et je trouve qu'il est d'une actualité. Il parle un peu de c'est une lettre en fait, hein, sur le départ d'Adrien avec Trajan, où il explique comment gérer, non pas par la violence, comment on gouverne. Et je pense qu'aujourd'hui, la France... C'est plus que d'actualité. Et puis, il met des ingrédients un peu dans son parcours. Il parle beaucoup de paix, de dialogue. Oui. Et je trouve que c'est d'une modernité. Puis bon, Marguerite Yourcenar a un style aussi tellement, j'allais dire, attractif pour un jeune qui commence peut-être des études de littérature. S'il n'a pas eu l'occasion lors de sa scolarité, franchement, je conseille vivement une lecture politique actuelle, moderne, dans le temps, avec cette bienveillance d'un homme, alors vous allez me dire aussi, qui est peut-être en fin de parcours, mais qui a toute cette expérience derrière lui. Un peu plus de sagesse peut-être. Voilà, pour pouvoir gouverner. Oui. Voilà. Je mettrais peut-être en parallèle aussi, je ne vous l'avais pas dit, mais le prince de Machiavel, qui peut-être est un complément que j'avais beaucoup aimé en faisant mes études et qui aujourd'hui aussi nous rappelle énormément de choses sur le plan politique. Mais ça, c'est plus de la littérature, ça ressort un peu d'un autre domaine, mais ce n'est pas incompatible. D'accord. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. J'étais ravie de vous recevoir dans les studios de Fadjet. Merci. Et puis, on se retrouve très vite. Donc, on n'oublie pas la date. En avril, le livre à Metz. Tout à fait. D'accord. En août, toujours Metz. Et septembre à Nancy. Et septembre, au livre sur la place de Nancy. Tout à fait. À très bientôt sur les ondes des Fadjet. Au revoir, Nicole. Au revoir, Sarah. Merci beaucoup.